بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في دراسة هذا الكتاب المبارك Bienvenue chers frères à cette assise on va continuer donc l'étude de ce livre béni أصول الإيمان les fondements de la foi de l'auteur Mohammed ibn Abd al-Wahhab rahimahullah. Et donc, l'auteur, il nous a cité le chapitre lié au droit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hukukun nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam. Wa ba'da dhalika, qala babu tahridihi sallallahu alayhi wa sallam ala luzumi sunnati. والترغيب في ذلك وترك البدع والتفرق والاختلاف والتحذير من ذلك. Et donc il nous dit rahimahullah le chapitre concernant les efforts du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour inciter à s'accrocher à la sunna et le fait de pousser à cela, le fait de délaisser l'innovation, la division et les divergences et le fait de mettre en garde contre cela. Ensuite, il nous cite, rahimahullah, la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, « لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهَ كِثِيرًا » Certes, vous avez dans le messager d'Allah un très bon exemple pour ceux qui espèrent la rencontre d'Allah, ainsi que le jour dernier, et qui se rappellent beaucoup d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Ayyuhal ikhwa, luzumus sunnati, amrun wajibun ala al-jami'a. Oh, chers frères, le fait de s'accrocher à la sunna, ceci est une obligation à tous, comme on l'a vu lors des cours précédents. Fa inna sunnata, بها يكون ضمان النجاة يوم القيامة. C'est par la sunna que nous avons la garantie de la réussite au jour de la résurrection. ومن ترك السنة فقد هلك. Celui qui délaisse la sunna est dans la perdition. ورحم الله الإمام مالكا رحمه الله. Qu'Allah fasse miséricorde à l'imam Malik, rahimahullah, lorsqu'il dit « As-sunnatu safinatu nuh » La sunna est l'arche de Noé. La sunna, c'est l'arche de Noé. Est-ce que vous vous rappelez le déluge? Le déluge à l'époque de Noé. Tous ceux qui montaient « Kullu man rakaba fi safinati najja » Tous ceux qui montaient sur ce bateau étaient sauvés. وَمَنْ تَرَكَ هَذِهِ السَّفِينَ هَلَكْ Et tous ceux qui ont délaissé ce bateau furent dans la perdition, même le fils de Nour. Même le fils de Nour. Et donc l'imam Malik, il nous dit, rahimahullah, السُنَّةُ سَفِينَةُ نُور مَنْ رَكِبَهَا نَجَى وَمَنْ تَرَكَهَا هَلَكْ La sunna est l'arche de Noé. Celui qui s'accroche à celle-ci est sauvé. Et celui qui la délaisse est dans la perdition. Et donc lorsque Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit « لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ » Certes, vous avez un bon exemple à suivre dans le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. فَالْقُدْوَةُ هُوَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Et donc l'exemple, c'est le prophète صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَمَنْ عَدَاهُ كُلُّ مَنْ عَدَاهُ فَإِنْ وَافَقَ السُّنَّةَ كُنَّ مَعَهُ وَإِنْ خَالَفَ السُّنَّةَ خَالَفْنَاهُ مَهْمَ كَانْ Tous ceux qui sont en dehors du prophète صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ S'ils sont en accord avec la sunna, alors nous sommes avec eux. Pourquoi ? Parce que c'est le prophète qui est l'exemple à suivre. Si cet homme, un tel, est en accord avec la sunna dans sa parole, etc., on est avec lui. Mais s'il contredit la sunna, on le contredit. Puisqu'on doit rester avec la sunna à la base, c'est la sunna. Peu importe qui c'est. Et donc, on ne peut pas s'accrocher à imam un tel ou un tel ou un tel sous prétexte que c'est l'imam. Sous prétexte que c'est l'imam. Et c'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y a des nouveaux convertis, à chaque fois, je leur dis ça. À chaque fois, je leur dis ça. Je suis imam, je ne suis pas prêtre. Je sais très bien, vous voyez que je suis un imam. Il n'y a pas besoin que je le dise. Mais malheureusement, on est arrivé à une époque où il est impératif de préciser que nous, les imams, on peut être en accord avec la vérité comme on peut se tromper. Et donc, lorsque l'imam prononce quelque chose, lorsque l'imam dit quelque chose, il faut regarder. Est-ce que c'est en accord avec la sunna ou pas ? C'est pas comme le prêtre qui prétend être en relation directe avec Seigneur Jésus-Christ et qu'ensuite il te dit « Ce que je te dis, c'est vrai, faut que tu acceptes, faut que tu dises « Amin », un point, c'est tout. » En islam, il n'y a pas ça. On peut tous se tromper. Et donc, il est impératif de faire attention à ce principe essentiel. L'auteur qui continue, Rahimahullah, et il nous cite la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, « Inna alladhina farraku dinahum wa kanu shia'a lesta minhum fi shay. » Certes, ceux qui se sont divisés dans leur religion et qui se sont retrouvés en groupe, plusieurs groupes, tu es innocent d'eux. Tu es innocent d'eux. Ayyuha al-ikhwa as-sunnah hiya allati tajma'u an-nas. Oh les frères, c'est la sunna qui rassemble les gens. Aujourd'hui, mashallah, aujourd'hui à notre époque, vous avez vu dehors, tout plein de gens qui sortent, ils veulent quoi ? Se rebeller contre l'État. Et ils te disent, l'union fait la force. L'union fait la force. Cette parole, quand tu l'écoutes, quand tu la regardes, tu te dis, ouais, c'est vrai, l'union fait la force. Mais non, c'est pas comme ça. C'est pas l'union fait la force. Allah Azzawajal, il ne nous a pas parlé de l'union comme ça, sur rien du tout. Il nous a dit « Wa'tasimu bihablillahi jami'a ». Il n'a pas dit « Wa'tasimu jami'an ».« Wa'tasimu bihablillahi jami'an ». Accrochez-vous tous au câble d'Allah. Idhan, il est impératif, oh chers frères, « Yajibu alayna an najtami'a ala al-haq ». Et nous, il est impératif qu'on s'unisse sur la vérité. Et comment on fait pour savoir elle est où la vérité ? C'est ce avec quoi est venu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce avec quoi est venu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. On est divisé. La communauté musulmane, elle est divisée. Elle est où la solution ? Es-sunna. Un point, c'est tout. On peut aller chercher partout, à droite, à gauche. On va faire que perdre du temps, se diviser, faire du mal à la communauté musulmane. Tant qu'on ne revient pas vers le livre d'Allah et la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Wa sunnatu hiya al-hikmah. Kama qala kathirun min ahli al-ilm. Beaucoup de gens de science, ils nous disent que la sunna, c'est la sagesse. Comme dans la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum al-kitaba wal hikma. Et donc il est celui qui a envoyé fil ummiyin chez les illettrés, les arabes, ils étaient illettrés, ils n'écrivaient pas sauf très peu. Et donc c'est celui qui a envoyé chez eux, chez les illettrés, un messager qui fait partie d'eux, qui récite sur eux, donc, les versets d'Allah tabaraka wa ta'ala, il les purifie, il leur enseigne al-kitab wa al-hikma, le livre, ainsi que al-hikma. Beaucoup de savants du tafsir, ils nous disent al-hikmatu hiya sunna. Et donc, on comprend, chers frères, qu'il est impératif de s'accrocher à cette sunna. Et le fait de délaisser cette sunna mène à la division. Le fait de délaisser cette sunna, voilà ce qui mène à la division. Voilà pourquoi l'auteur, rahimahullah, il a très bien fait lorsqu'il a cité ce sujet, la mise en garde contre la division, ici dans ce chapitre où il nous parle de la sunna. Car c'est la sunna qui nous unit et c'est l'innovation qui nous désunit et qui nous divise. Le Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah, il dit dans son explication: فَمَنْ حَادَ عَنِ السُّنَّةِ وَأَخَذَ بِغَيْرِهَا هَلَكَ. Celui qui délaisse la sunna et qui prend autre chose que la sunna, alors celui-ci est dans la perdition. وَمَنْ أَخَذَ بِهَا سَا وَسَارَ عَلَيْهَا نَجَى. Celui qui prend la sunna et qui donc évolue avec celle-ci, alors celui-ci est sauvé. سَوَا أَنْ كَانَتِ السُنَّةُ. Attention, ce passage est très important. سَوَا أَنْ كَانَتِ السُنَّةُ فِي الْعَقِيدَةِ أَوْ فِي الْعِبَادَاتِ أَوْ فِي الْمُعَامَلَاتِ أَوْ فِي الْأَدَابِ أَوْ فِي الْأَخْلَاقِ. Peu importe que la sunna soit dans la croyance, l'adoration, les échanges qu'on peut avoir entre nous, ou alors les mœurs, le comportement est sunnatu amma. La sunna, elle est générale. La sunna, c'est pas que lorsque tu viens à la prière, tu sais qu'à la prière, il faut que je fasse comme ça. Ah, il faut que je... La sunna, c'est tout ce que tu fais, la sunna. C'est ta vie, ta façon de parler, ta façon de marcher. C'est ça, la sunna. La sunna, tu dois vivre avec toute ta vie, ton comportement avec ton épouse. Même tes relations, tes rapports avec tes épouses. La sunna. La façon dont on va aux toilettes, oui, la sunna. Comme il fut interrogé Salman al-Farisi, Allamakum nabiyukum kulla shay'in hatta al-qira'a. Votre prophète, il vous a enseigné toutes choses, même comment aller aux toilettes. Naam. Oui, il nous a enseigné toutes choses. Et donc la sunna, c'est toute notre vie, c'est pas le fait de dire comme certains, ah, je suis salafi. Mais derrière, fil akhlaq, tu vois, Allahul Musta'an, a'udhu billah, yunafiru an-nas, il fait fuir les gens. Et donc, il est important, chers frères, de comprendre ce point essentiel. La sunna, c'est général. C'est pas que l'aqida. C'est pas non plus que l'ibadat. Il y a aussi le mu'amalat. Les échanges qu'on va faire avec les gens. T'es là, sunna, sunna, tu vas voler ton employeur. Ou alors on va mentir pour un vaccin. Et donc, la sunna, au cher frère, elle est vraiment générale. Et le cheikh, il continue. وَأَوْلَ ذَلِكَ فِي الْعَقِيدَةِ الَّتِي دَعَ إِلَيْهَا الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Et ce qui est, et ce qui prévaut, et donc il nous a dit, la sunna, elle est générale. Mais ce qui prévaut, يَرْحَمُكَ اللَّهُ, mais ce qui prévaut, c'est la croyance vers laquelle a appelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فَقَدْ كَانَ أَوَّلَ مَا دَعَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ sallallahu alayhi wa sallam كَغَيْرِهِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ هُوَ التَّوْحِيدِ. Certes, la première chose à laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé, comme tous les autres prophètes, c'est le tawhid. Et donc la sunna, elle est générale. Mais il y a tout d'abord, en premier lieu, la croyance. Et donc, on ne néglige pas non plus la croyance. Premier point. Mais deuxième point, ce n'est pas que la croyance. Ce n'est pas que la croyance. La sunna, elle est générale. Ensuite, dans le titre, comme on a parlé de division, on a parlé d'innovation, l'auteur, il nous parle aussi donc de bida. La mise en garde contre l'innovation. Mais il y a le bida. Qu'est-ce que l'innovation ? Qu'est-ce que l'innovation ? Beaucoup de gens ne savent pas ce qu'est l'innovation. Al-bid'a, ou alors al-bid'a, huwa at-taqarrubu ila Allah bima lam yashra'hu. Définition simple. At-taqarrubu ila Allah bima lam yashra'hu. Chercher à se rapprocher d'Allah, chercher à adorer Allah avec ce qu'il n'a pas légiféré. Quand tu veux adorer Allah, tabaraka wa ta'ala, il est impératif que tu regardes si cet acte que tu vas faire, Allah l'a légiféré ou pas. Man 'amila 'amalan laysa 'alayhi amruna fa huwa raddun. Celui qui accomplit un acte qui ne respecte pas notre ordre, notre législation, alors son acte est rejeté. C'est ça la bida. Et donc il est impératif, ô chers frères, qu'on fasse attention à ce point essentiel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous disait « Wa iyyakum wa muhdathatil umur » « Méfiez-vous des innovations dans la religion. » « Fa inna kulla muhdathatin bida » Et donc, car chaque chose innovée est une innovation, et dans une autre narration, « Wa kulla bida'atin dolala » Et toute innovation est un égarement. « Wa kulla dolala'atin finnar » Et tout égarement mène à l'enfer. Et donc, il est impératif, aux chers frères, qu'on fasse tout pour nous éloigner de ce genre d'actes, des innovations. Et pour cela, comment on fait? Quelle est la solution? Apprendre. Il faut apprendre. Tu veux prier sans faire d'innovation, il faut que tu apprennes comment le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il priait. Tu veux faire la zakat sans innovation, tu apprends comment le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a incité à faire la zakat. Le hajj, etc., etc. La croyance, quelle est la croyance de Ahl Sunnah wal Jama'a? Quelle était la croyance du prophète et des compagnons? Il faut apprendre. Si tu n'apprends pas, tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas. Et donc, il est impératif, aux chers frères, qu'on fasse des efforts sur tout cela. فَدِينُنَا أَيُّهَا الْإِخْوَى يَنْهَانَا عَنِ التَّفَرُّقِ. Notre religion, chers frères, elle nous interdit la division, comme on a pu le voir dans le verset que l'auteur, Mohammed ibn Abdel Wahhab, il nous a cité. Et donc, il est interdit de se diviser. Vous allez me dire, oui, mais il y a le hadith. Ikhtilaf ou rahmat, ikhtilaf ou mati rahma. La divergence dans ma communauté est une miséricorde. Vous avez déjà entendu parler de ce hadith? Alors, quand c'est comme ça, vous dites, il est où le hadith? Oui, dans quel livre? On demande, il est où le hadith? Aslan, à la base. Et c'est là qu'on se dit, il faut faire attention aux hadiths inventés. Les hadiths, on ne dit pas les hadiths faibles. On dit les hadiths inventés. Il faut faire attention à ça, chers frères. Le fait de propager des paroles comme ça, le prophète a dit, et subhanallah, tu n'as aucune source. Allah Azza wa Jal qui nous dit, « وَلَا يَزَلُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ » Ils ne cessent d'être en divergence, ils ne cessent de diverger, sauf ceux à qui Allah a fait miséricorde. « إِذَنْ أَرْرَحْمَةُ مَا الْإِجْتِمَعَ لَا مَا الْإِخْتِلَفَ » La miséricorde, elle est avec l'union, pas avec la divergence et la division. Voilà pourquoi Ibn Abbas, radiallahu anhuma, il n'était pas d'accord avec, Il n'était pas d'accord avec Othman concernant le fait de prier 4 unités en voyage. Il l'a repris sur ça. Mais après, lorsque Othman a dirigé la prière et qu'il a fait 4 unités, Ibn Abbas a fait 4 unités avec lui. Il a fait 4. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens sont venus voir Ibn Abbas. Comment ça se fait? Tu le reprends, tu le corriges. Tu dis que c'est pas ça la sunna. Et après, tu fais comme lui il a fait. Ibn Abbas, il a dit, El khilaf ou char. La divergence est mauvaise. La divergence est mauvaise. Et donc, il faut qu'on fasse attention à ça, aux chers frères, à ne pas nous diviser et qu'on se rappelle la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, « Wa'atassimu bihablillahi jami'an wa la tafarraku » Accrochez-vous fermement à la parole d'Allah et ne vous divisez pas. Pour finir, inshallah ta'ala, pour ne pas faire trop long aujourd'hui, l'auteur, rahimahullah, il nous cite un autre verset avant de commencer les ahadiths. Les ahadiths, on verra demain, inshallah. Mais il nous cite un autre verset dans lequel il nous dit « Shara'a lakum min ad-dini ma wassa bihi Nuha والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. سبحان الله. Il vous a légiféré dans votre rôle dans la religion ce qu'il a recommandé à Nuh et ce qu'on a révélé et ce qu'on t'a révélé et ce qu'on a aussi recommandé à Ibrahim, Moussa, Issa. Et donc vous voyez ici, il a cité donc plusieurs prophètes. وَمَنْهُمْ أُولُو الْعَزْمِ Les meilleurs des prophètes. Ce qui est voulu par là, les savants nous disent لَيْسَ الْمُرَادِ هَاُولَئِ الرُّسُلُ فَحَسْبُ Ce n'est pas que ces messagers-là qui sont voulus. Mais ce qui est voulu, c'est que tous les messagers, ça c'est la religion des prophètes. L'islam, c'est la religion des prophètes. Et il y a des principes fondamentaux qui sont dans toutes les législations de tous les prophètes. Et il y a certains principes qui varient d'un prophète à un autre. Mais certains principes fondamentaux, tous les prophètes ont été appelés à cela. Tous. Et ont appelé à cela. Parmi ces principes fondamentaux, on a le tawhid, le fait d'adorer Allah seul. Et parmi les principes fondamentaux, on a ce qui est cité dans ce verset. Qu'est-ce qu'il a légiféré à tous ces prophètes-là ? Un aqimuddin. C'est-à-dire un aqimud tawhid. Appliquer donc le tawhid, la religion. Wala tatafarraqu fi. Et ne vous divisez pas en cela. Fahada aslun laysa asl sunna ahl laysa huwa aslu ahli sunnati wal jamaa'a faqat. Ce n'est pas que le fondement des gens de la sunna seulement. Mais c'est le fondement de tous les messagers. Le fait de ne pas nous diviser. Et voilà pourquoi à chaque fois on appelle les frères, si tu vois ton frère qui a une erreur, va le conseiller. Pourquoi ? Le fait que tu parles derrière, ça va entraîner quoi ? La division. Si tu vois quelqu'un qui a des innovations, va le conseiller. Il ne faut pas le laisser comme ça. Parce qu'après, en le laissant comme ça, les gens ils vont penser que c'est ça la sunna. Ça va entraîner quoi ? Les gens vont le suivre. Ça va entraîner quoi ? On va se diviser. Et donc, dès qu'on voit un de nos frères qui est dans une erreur, on va le conseiller pour rester unis sur la vérité. Ça, c'est un fondement des gens de la sunna. C'est un fondement dans l'islam. Il est important de comprendre ça, les frères. On va continuer donc demain ce même chapitre, inshallah ta'ala. Waffaq Allahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardahu. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jazakumullahu khairan.